Paris, siège du SDEC, bureau de Mathieu Fouché. 16 juin 1981, 12h30. Messieurs, ça fait plus de 3 semaines que Créange a disparu et pas la moindre piste. Malgré les meilleurs efforts de nos agents sur le terrain, le président s'impatiente. Boissieu, dites-moi au moins que vous avez progressé sur Orloff. Monsieur le directeur, nous sommes parvenus à reconstituer la méthode de contact. C'est déjà ça. Créange nous a imposé sa façon de faire. C'est une méthode inhabituelle. Mais le renseignement fourni s'est toujours révélé très qualitatif. Et relativement bon marché. Relativement bon marché ? On parle de quelle somme ? Nous parlons en lycée d'une 40 millions de francs. Pardon ? Ça les valait. Demandez à la Direction Générale de l'Armement, ou à nos grands groupes, l'aérospatiale, Dassault, Thomson CSF. Tout notre tissu industriel en a profité. À commencer par nos bureaux d'études. Attendez, depuis 15 ans, la France achète des secrets à un informateur inconnu pour faire tourner nos usines, et c'est précisément celui qui a mis en place ce système qui a disparu. Avez-vous idée du niveau de risque dans lequel on se trouve ? Créange a un moyen de pression énorme sur nous. Créange n'a aucun intérêt à révéler nos petits arrangements. À qui voulez-vous qu'il se confie, de toute façon ? Il a 20 ans de maison, et sa haine des communistes n'a d'égal que sa fidélité pour la France. Je l'espère très sincèrement pour la suite de votre carrière, Boissieu. Vous avez identifié Orloff ? Continuons à recouper nos informations. Mais pour l'instant, nos pistes convergent vers Sergueï Alexandrovitch Afanassiev, l'actuel ministre des Constructions Mécaniques d'Union Soviétique, qui encadre la recherche avancée. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça pourrait être lui ? Afanassiev est un haut cadre du parti, membre du Soviet suprême, du comité central, lauréat du prix Lénine, du prix Staline et du prix de l'URSS. Il a survécu à toutes les purges. Il est au fait de sa gloire. C'est un des rares à avoir accès à autant de renseignements. Pour le savoir rapidement, nous allons reprendre nous-mêmes contact avec Orloff. Quelle est cette procédure que vous qualifiez d'inhabituelle ? Il s'agit d'un système de petites annonces codées qui transite par Autozeitung, un journal automobile ouest-allemand diffusé sous le manteau dans tout le bloc soviétique, au sein de la seule nomenclatura, évidemment. Je savais que des disques de rock passaient le rideau de fer, mais des magazines automobiles... Vous avez percé le code. Nous l'avons cassé assez facilement. C'est une clé de chiffrement surannée. Cela dit, monsieur, je me dois de vous mettre en garde. Si nous contactons Orloff à ce stade, une erreur de notre part et il pourrait définitivement couper la communication. Ne tarissons pas une si belle source dans un excès de précipitation. Comme vos bons conseils me sont précieux. La maison brûle et vous préconisez de ne rien faire. Qu'attendez-vous pour contacter Orloff ? Que Créange l'ait balancé avec tous nos agents ? Nevada, base aérienne de Groom Dry Lake. 18 juin 1981, 16h. Good morning. Good morning, miss. I'm gonna need your pass if you want to go further. You better hurry if you don't want to miss the test flight. There you go. 836. Gate F. Evans, Jane. Research ST unit. Security level 3. All right, you're clear. Have a good day. You too. Oh. Saint-Ouen, 25 juin 1981, 10h. Merci de vous être déplacé, Sidi Mokedem. Karim, appelle-moi par mon prénom. C'est Chaban. Tu viens souvent ici ? Dès que je peux. Et quand j'ai pas le temps de venir voir les pros, je viens voir les jeunes. Vous vouliez un endroit discret ? Rien de tel que le stade. J'habite Saint-Ouen. Le Red Star, c'est mon club. C'est une passion que nous avons en commun avec ton oncle. Tu sais, je l'ai vu jouer avec l'équipe du FLN à Belgrade. C'était il y a 20 ans. Ils avaient perdu le match, mais ça reste un bon souvenir. Mon oncle vous estime beaucoup. Il m'a dit que vous pourriez me renseigner. Ça dépend. Il s'agit de quoi ? Un officier français qui a passé pas mal de temps en Algérie. J'étais sur ses traces en Autriche, mais je l'ai perdu. Hector Créange. Vous l'avez connu ? Hector Créange. Oh, c'est une époque que j'essaie d'oublier. Qu'est-ce que tu veux savoir sur lui ? Je sais qu'il a pratiqué la torture. Il protégeait des intérêts français. Tu es bien informé. Hector Créange, officier français, renseignement. Je n'ai pas eu personnellement affaire à lui, mais je sais qu'il a tué ou fait tuer des camarades. Qu'est-ce qu'il faisait à Alger en 59 ? Il traquait le FLN. Mais pas comme Massu et les autres. L'Algérie française, ce n'est pas qu'il s'en moquait, mais ce n'était pas sa priorité. Il recevait des ordres d'une autre chaîne de commandement. J'en étais sûr. Je veux retrouver ce type pour qu'il aille devant les tribunaux. Karim. Ton père est mort pendant la guerre. Mais Hector Créange n'est pas plus responsable que De Gaulle ou le colonel Benchrif. Il y a un proverbe kabyle qui dit « Yikith wudfil gudrer, assimis yughid azagar ». La neige tombe en montagne, son poison est dans la plaine. Créange ne rentre pas dans tes cases noires et blanches. Il est bien plus complexe que tu penses. Il faut qu'il tombe. C'est un ennemi du peuple, de notre peuple. Si tu veux te battre pour la mémoire de ton peuple, comme tu le dis, ben fais-le pour ce noble motif, mais pas pour te venger. Vous connaissez quelqu'un en Algérie qui accepterait de me parler ? Je sais pas vers qui me tourner. C'est délicat. Créange a tissé des relations assez fortes avec des cadres du FLN dont certains sont bien en place à la sécurité militaire aujourd'hui. C'est le genre d'homme qui sent le vent tourner. Il a dû réussir à trouver des intérêts communs avec eux. Vous voulez dire que Créange bénéficie de complicité en Algérie aujourd'hui ? Le temps a passé des deux côtés. Je peux simplement te dire qu'il connaît des gens partout, y compris en Algérie, malgré ce qu'il a fait. Si tu veux enquêter sur lui là-bas, tu devras être très prudent. Tu pourrais aller à Béchar. À Béchar ? C'est le meilleur endroit pour commencer. Créange était en poste au centre français d'essai d'engins spéciaux. Il y est resté jusqu'à l'évacuation de la base, il me semble. D'accord. Je vais y aller alors. Merci. Karim, là-bas, méfie-toi de la sécurité militaire. Les soviétiques sont les alliés du gouvernement, mais ils n'aiment pas beaucoup les communistes français. Encore moins s'ils sont d'origine algérienne. Plateau de Sarlat, centre d'écoute du SDEC. 20h30. C'est bon. J'ai stocké toutes les bornes de la journée. Les machines sont chargées pour la nuit. On va pouvoir respirer. Le respirer ? Sûrement pas. Je te rappelle qu'on est sur tous les fuseaux horaires. Protocole Colbert oblige. Et ben voilà. Appel entrant au point SB32, Suisse, Berne, ambassade américaine. Ce sera jamais que le 10e depuis ce matin. C'est un appel international. Et c'est un point chaud. Tu prends ? Allez, balance. Je mets le casque. Et c'est parti. Au moins, c'est en français. Attends. Je crois qu'on tient quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Je crois que c'est la voix de la cible. Positif. Contacte la centrale à Paris. Ils vont être comme des fous. Ça fait un moment qu'ils attendent ça. Paris. Siège du SDEC. Bureau de Mathieu Fouché. 26 juin 1981, 2h du matin. Merci. Messieurs, monsieur le directeur, j'espère que vous ne m'avez pas réveillé pour rien à la porte. On a la conversation téléphonique de Créange enregistrée sur bande. Il a appelé l'ambassade américaine en Suisse, à Berne, hier à 20h30. C'est notre premier élément tangible depuis un mois, je commence à ne plus y croire. On a une idée d'où vient l'appel ? Nous ne sommes pas parvenus à le tracer pour l'instant. Mais nous sommes bien les premiers à écouter la bande. Affirmatif. Dans le cadre du protocole Colbert, les bandes sont envoyées ici directement. Mesure de sécurité. Allez-y de la porte, envoyez. Hello. C'est moi. J'apporte de grandes nouvelles. Notre maison d'édition va bientôt publier un nouveau roman. Le texte s'annonce grandiose. Ce sera un best-seller. Votre auteur est dans les temps ? Mon auteur est très inspiré. J'aurai le manuscrit d'ici quelques jours. Vous comptez le publier bientôt ? Le 19 juillet. Vous serez invité à la soirée de lancement, évidemment. Le contraire m'aurait beaucoup déçu. Ne vous inquiétez pas. Si vous cherchez à me joindre, je serai au Prince de Savoie à Milan, jusqu'à la fin de la semaine. Bien. Voilà. Il faut qu'on le coince là-bas. Dépêchez immédiatement une équipe à Milan. Il nous reste moins de 48 heures. Bon boulot de la porte. Vous pouvez nous laisser. Merci, monsieur. Qu'en pensez-vous, Morel ? Un, Créange est en vie. Deux, il est sur le point de nous trahir. Trois, la question est de savoir avec qui. Qu'est-ce que les Américains viennent foutre dans cette histoire ? Trouvez-moi toutes les infos disponibles sur leur ambassade à Berne. Essayez aussi de comprendre de quoi ils parlent avec son code bidon de roman d'espionnage. Bien, monsieur. Et faites-vous un café. La nuit va être longue. Monsieur le directeur. Prenez-moi rendez-vous avec l'Élysée dès que possible. Bien. Autre chose ? Oui, basculez-moi encrypté. Tout de suite. Oui. 137, 121, 222, Sierra Bravo Kilo. Ici Luciole. Je vous écoute. Vous avez du nouveau ? Nous ne sommes pas seuls sur la piste de Créange. Un journaliste le cherche aussi. Putain, il manquait plus que ça. Vous savez qui c'est ? Personne. Karim Mekloufi, journal L'Humanité. Il devient une cible ? Non, non. Vous, vous restez sur Créange. Autre chose ? On a enregistré un appel téléphonique, Créange serait à Milan, à l'hôtel Prince de Savoie. Je me mets en route. Vivant ? N'oubliez pas. Burbank, appartement de Jeanne Evans, 29 juin 1981, 19h30. Hello, Jane speaking. Bonjour, ma chérie, c'est moi. J'appelle pour prendre de tes nouvelles. Tout va bien. J'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines, mais j'ai enfin fini. Ça y est. Maintenant. Tu as bien mérité des vacances. J'espère te voir bientôt, ma chérie. Je pense à toi.